Si la face dorée, il miroite au soleil, la nuit âcre trahit l'état d'âme du buffle. Facile est la chafronde, me touche le mufle. Docile je suis, pétrifié, sans sommeil, réduit à me laisser insulter, dominer. Minable qui osait escalader mon dos, solennel je promets de vous exterminer.